pas le bonheur. L'homme me devient meilleure humeur. Je ne laisse rien au hasard, pas le moindre petit pourboire. Je suis de la race des profiteurs, d'une mère cantile fier successeur, qui a fait de moi un homme d'action, négocié à la sueur de mes fonds. Pour moi la vie a épargné les dettes, les faillites et les impayés. Allongé sur mon lit de billets, je crois bien que j'ai tout à gagner. Mon père voulait me faire patrimoine pour que j'aille au paradis fiscal, siéger au conseil d'administration et racheter les parts du patron. Oui, mais moi j'avais d'autres projets, rouler sur l'or, tout posséder, faire contre bon cœur fortune, hurler à décrocher la thune. Avare de sentiments, j'ai vendu mon âme sans faire de virement. Oh, oh, oh, personne ne peut me liquider. Je crois bien que j'ai tout à gagner. J'enlève les taches de l'argent sale, les hommes véreux me vénèrent, ils ont pour moi un intérêt capital. Je gère les offres et les demandes, j'ai dans mes coffres tout l'or du monde. J'ai investi tous les marchés, c'est eux qui s'aiment et moi qui récolte le blé. Ma vie est cotée en bourse, mes organes plus chers que la grande ours. Oh, oh, oh, oh, j'ai même fait produire un héritier. Je crois bien il a tout à gagner, tout à gagner, tout à gagner, tout à gagner.